Une fois avancé par lui semble jage, et légère parmi les vagues, et le bruit de la mer, je jogasse en chaman dans la nuit, molle la mer, n'ayant plus l'espoir du rivage. L'océan me cracha ses nages sur le front, et le vent me glaça dans l'air jusqu'aux entrailles. Les vagues s'écroulaient ainsi que des murailles, avec ce rythme lent de silence terreau. Puis tout en l'air, la mer et sa gloire mêlée, semblable. Sous mes pieds s'effondre le plancher de la barque. Et étincelle dans un vieux clocher, je l'offens à la parue, le clocher brandé. Éteint bien la prière dont il y a de mort, convulsif, et fermant dans les formes et paupières. Le grandement faisait trembler les vieilles pierres. Tant qu'il laisse enfin le lourd balancement. Pourquoi n'as-tu pas dit, aurais-je ou Dieu nous mène? Pourquoi n'as-tu pas dit, s'il ne finirait pas l'inutile travail et l'éternel fracas dont est faite la vie, hélas, la vie humaine?